fois que le résident parrain un accord de paix, le pays là est mort. Le pays là est mort. Je vous dis, écoutez, quand une armée n'a pas de chef, il y a deux chefs. Ça fonctionne que vous avez mis là. L'armée doit avoir un chef. L'armée, c'est un commandement. Un chef. Mais si une armée a deux chefs, vous parlez de quoi? Mais ça ne peut, pas fonctionner parce qu'un chef, il faut forcément qu'un des deux mains disparaisse pour que ça fait n'importe quoi. Ce n'est pas une affaire de morale. Il faut éviter d'arriver à ce type de situation parce que ça finit toujours comme ça. Donc, il vous a dit, donc vous voyez d'abord l'armée soudanaise, d'abord historiquement, contre 70%, même 75% du budget, ce moment LBC du pays, c'était consacré aux militaires qui avaient des avantages extraordinaires. Le Soudan, c'est fondamentalement une bureaucratie militaire. C'est un peu comme l'Égypte. Afrique Média, le monde, c'est nous.